Bonjour à tous et bienvenue pour la seconde saison de Mi-Science Impossible. Notre mission est de vous expliquer les phénomènes scientifiques du quotidien et mieux encore, le fonctionnement passionnant de nos industries. Pour cela, nous disposons de 30 minutes au cours desquelles nous expliquerons, discuterons et viendrons à votre rencontre pour percer les mystères scientifiques. Qui sommes-nous ? Une équipe d'étudiants ingénieurs de l'ENSIC totalement animée par les sciences. Notre école l'ENSIC, vous la connaissez. Présente à Nancy depuis 1887, elle se situe près de la pépinière. Son credo est de vous transmettre les méthodes physiques et chimiques qui permettent de transposer à l'industrie ce qui se passe à l'échelle du laboratoire. Rien ne lui échappe. Chimie, énergie et environnement, tous les grands enjeux actuels sont concernés. Alors, vous êtes prêts à passer un moment de science en notre compagnie ? Aujourd'hui, il s'agit de notre 11e émission et je suis en compagnie d'Axel. Bonjour à tous. De Laurie. Bonjour. Et de David. Bonjour à tous. Et nous débutons tout de suite par Axel qui va nous parler, je crois, de poissons et de plantes. C'est ça. Alors aujourd'hui, je vais essayer de capter votre attention vers une méthode d'agriculture qui se développe de plus en plus en France et qui pourtant est vieille de 13 000 ans. Donc si je vous dis que cette technique d'agriculture permet d'économiser 90 à 95% de l'eau nécessaire à l'agriculture traditionnelle. Si je vous dis que c'est une technique d'agriculture que vous pouvez facilement mettre en place chez vous pour produire des herbes aromatiques, des salades ou encore des fraises. Si je vous dis... Bon, ok, j'arrête. Non, plus sérieusement, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette technique, l'aquaponie ? Personnellement, non. Moi non plus, ça me dit rien. Moi, j'en avais entendu parler, mais vraiment très succinctement, donc je sais pas vraiment ce que ça implique. Ok, bon, d'abord, je vais vous faire un petit point historique sur l'invention de l'aquaponie. Je vais vous expliquer rapidement en quoi consiste cette technique, et c'est quelque chose qui est loin d'être révolutionnaire. Tout simplement, on élève des poissons dans une certaine quantité d'eau, et les déjections qui sont rejetées par ces poissons permettent de nourrir des plantes, voilà. Et finalement, ces plantes, elles, grâce à leurs racines, elles filtrent l'eau pour rendre l'eau plus propre pour les poissons. Donc tout cela, ça fonctionne en régime fermé, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'ajout d'eau ou de rejet d'eau pendant la production. Et cette technique, finalement, c'est celle qui représente le mieux notre écosystème. Prenons l'exemple d'un lac avec plein de poissons. L'eau, elle n'est jamais renouvelée, si on considère qu'il n'y a pas de pluie voilà, ou pas d'évaporation. Et pourtant, elle est toujours propre. C'est tout simplement parce que les plantes qui sont à l'intérieur du lac poussent grâce à la déjection des poissons, et ces plantes filtrent l'eau pour la purifier. Et cette technique, les populations asiatiques, elles l'ont comprise il y a plus de 13 000 ans, puisqu'on retrouve ce phénomène dans des riziculteurs pékinoises. Donc à l'époque, en fait, il y avait des canards qui étaient élevés dans ces cultures et qui se nourrissaient des insectes qui étaient présents. Et les déjections des canards, elles servaient à la fois à faire pousser du riz, et on avait donc une production de canards et de riz dans un même endroit. On retrouve aussi ce système de production chez les Aztèques, qui eux utilisaient ce système pour des raisons plus de nécessité. Par exemple, à Tenochtitlan, les terres étaient principalement composées de marécages, et donc elles n'étaient pas viables pour l'agriculture. Ils faisaient donc des espèces de radeaux sur lesquels des plants poussaient sur les lacs, et les racines descendant dans le lac et filtrant l'eau. Bon, même si moi je trouve ça particulièrement intéressant, puisque c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de faire quand j'étais plus jeune, on reste une émission de vulgarisation scientifique. Je vais donc essayer de vous expliquer quels phénomènes physico-chimiques permettent de faire l'aquaponie. Alors avant toute chose, selon vous, de quoi ont besoin les plantes pour se nourrir ? Soleil. Du soleil. Ouais, c'est ça. Ouais, comme eux, soleil et minéraux. Ouais, donc en fait, bon, évidemment, vous, on pense souvent pour l'agriculture de parler d'engrais. Voilà. Mais finalement, en fait, les engrais, c'est des nitrates et des nitriques. Et ces composés chimiques, ils sont composés d'azote et d'hydrogène. Et pour produire ces engrais à partir des déjections de poissons, on utilise un phénomène qui est naturel et qui s'appelle le cycle de l'azote, puisque les déjections, elles aussi, sont composées d'azote. Si je vous parle d'ammoniac, j'imagine que vous savez tous qu'on en trouve dans l'urine. Eh bien, l'ammoniac est constitué d'azote. C'est pourquoi dans des écosystèmes naturels, on retrouve des micro-organismes dont la fonction est, à partir d'ammoniac, de produire des nitrates et des nitrites. Le cycle est donc le suivant. L'ammoniac se transforme en ammonium, qui est un ion. Puis, l'ammonium se transforme en nitrate et en nitrite sous l'action des bactéries. On retrouve donc notre engrais naturel nécessaire pour les plantes. L'avantage, c'est que cette eau, elle circule dans le système sans jamais être rejetée. C'est pourquoi l'aquaponie ne consomme que 5 à 10% de l'eau nécessaire à l'agriculture traditionnelle. Cette eau étant principalement perdue par l'évaporation de l'eau. Mais du coup, vous pouvez vous demander pourquoi cette technique, on n'en entend pas en plus parler en France. Eh bien, parce qu'il y a plusieurs inconvénients pour l'installer à grande échelle. Tout d'abord, c'est adapté à la pousse de végétaux qui ne demandent pas une grande diversité en termes de nutriments pour pousser. Donc on a les herbes aromatiques, les laitues, les tomates, éventuellement les concombres, et aussi quelques rares fruits tels que les fraises. Mais il serait très difficile de faire pousser des tubercules tels que les patates. De plus, il est assez difficile de mettre en place un tel mode de production. Un excès d'ammoniac et les plantes, elles n'arrivent plus à le filtrer. Sauf que c'est toxique pour les poissons en trop grande quantité. Et à l'inverse, une insuffisance en ammoniac et les plantes dépérissent ou présentent des carences. Sur des échelles de production telles que celles qu'on connaît avec l'agriculture traditionnelle, c'est donc une méthode très risquée et peu d'entreprises se lancent dans ce mode de production. Et enfin, même si c'est une méthode bio de faire pousser des plantes, il faut de l'électricité, que ce soit pour alimenter les pompes qui alimentent les cuves où sont élevés les poissons, ou encore des bulleurs qui permettent d'assurer une bonne oxygénation de l'eau. On se retrouve donc rapidement avec des factures d'électricité élevées, et aujourd'hui, l'énergie que nous produisons n'est pas encore propre à 100%. Merci beaucoup Axel pour cette chronique. Au moins, on peut faire d'une pierre deux coups de l'agriculture et de la pisciculture. Et ça me rassure, j'aurais pas besoin d'un poney de bain pour faire ça. Du coup, nous allons rester dans le domaine des plantes, et cette fois-ci, c'est Laurie qui s'y colle. Oui, alors moi aujourd'hui, je vais vous parler de la génodique. En fait, si vous voulez, c'est en gros soigner les plantes avec des mélodies. Plus précisément, la génodique, c'est une technologie innovante qui permet aux cultures et aux élevages de résister aux maladies, de s'adapter aux variations de l'environnement et de mieux grandir. Et en fait, il y a des mélodies de protéines qui sont utilisées pour renforcer les métabolismes, c'est-à-dire la production de matières essentielles à l'organisme, pour stimuler les défenses naturelles et pour limiter le développement des pathogènes, c'est-à-dire des molécules qui sont néfastes pour l'organisme. Donc je vais détailler comment on a découvert ces mélodies de protéines et surtout quel fonctionnement se cache derrière. Mais d'abord, si on revient au basique, qu'est-ce que c'est une protéine ? Une protéine, c'est une molécule qui est produite dans notre organisme et qui va avoir une fonction particulière. Par exemple, on a des protéines qui vont structurer nos cellules, qui vont produire des agents dans notre corps, etc. Alors, il existe des centaines de protéines différentes, mais il y en a seulement 20 qui sont indispensables pour le corps, et c'est celle-là qui nous intéresse. Alors, d'où ça vient la génodique ? Eh bien, ça a été initié par Joel Sternheimer dans les années 80. C'est plutôt récent, donc à l'échelle des découvertes scientifiques. Monsieur Sternheimer, c'est un spécialiste de physique quantique et c'est aussi un artiste musicien. Et il a réussi à montrer qu'il était possible de soigner et de renforcer les plantes en leur faisant écouter certaines mélodies. Alors, comment il a trouvé ce phénomène ? Eh bien, lui, il a toujours baigné dans cette espèce de mélange entre une atmosphère scientifique et musicale. Et un jour, il va avoir une révélation et il va se dire « Et si la matière, elle avait des aspects harmoniques ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait un lien entre la musique et la science ?» Eh bien, ce chercheur a pu trouver qu'il y a des ondes qui permettent aux différentes cellules de notre corps de communiquer entre elles. Donc, si vous voulez, une onde, si on prend une corde, et qu'on la secoue, ben, c'est la propagation de la perturbation de la corde. Et donc, à l'aide de ses connaissances en physique quantique, il va réussir à calculer des fréquences, c'est-à-dire par exemple pour un son des hauteurs, qui vont mener à l'existence de ce qu'il nomme des ondes d'échelle, et c'est ce qui va relier la matière inerte et la matière vivante. Et c'est justement cette découverte qui a des conséquences extraordinaires sur le monde du vivant, parce que les organismes vivants, ils vont produire, consommer, activer des molécules en tout genre, et c'est justement ces processus de production qu'on va essayer de réguler par des ondes. Notamment la production de molécules particulières qui sont, comme je l'ai dit plus tôt, les protéines. Donc ces protéines, elles sont très importantes au sein de l'organisme puisqu'elles vont assurer toutes les fonctions physiologiques, mais aussi garantir le bon fonctionnement des cellules. Et ce chercheur, il va étudier donc comment elles sont synthétisées, comment sont produites ces protéines, et il arrive à montrer qu'elles émettent des signaux et que chacune des 20 protéines principales émette une onde qui lui est propre. Et cette onde a sa propre variation, et cette variation, elle correspond à une note musicale et donc finalement à une partition. Il existe autant de mélodies protéiques que de protéines. Et ces mélodies de protéines, c'est ce qu'on appelle les protéodies, donc c'est la contraction de mélodie et de protéines. Et il a aussi été dit que lorsque ce chercheur a écouté les premières musiques protéiques, eh bien il a eu la sensation que son corps reconnaissait les sons. Et maintenant, il y a une entreprise qui a été créée, qui s'appelle Genodix, et qui a mené de nombreuses expériences sur des plantes. Et ils ont pu montrer que les plantes réagissaient bien et bien à la musique et que certains végétaux sont plus ou moins sensibles à des mélodies comme du Mozart, du Beethoven ou encore du Chopin. Et ces découvertes, en fait, c'est une véritable révolution dans notre compréhension des organismes vivants et de la matière. Donc finalement, on peut dire que la génodique, c'est probablement une voie d'avenir pour les viticulteurs, les arboriculteurs, les maraîchers et pour tous les processus industriels qui peuvent mettre en œuvre des micro-organismes vivants puisqu'on arrive à modeler la production de ces organismes grâce à la musique. Merci beaucoup Laurie. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec la génétique comme j'aurais pu le croire au début au vu du nom. Mais Laurie, moi j'ai une question quand même. Oh non, vas-y, pose ta question. Est-ce que du coup les légumes qui écoutent c'est de la musique, ils sont plus jolis ? Comment ça ? Maman m'a toujours dit qu'ils étaient plus bio. Et du coup, on se retrouve juste après une petite coupure musicale et ça sera juste après Lemon Tree de Fool's Garden. Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree. Et vous êtes de retour sur Radio Fadjet dans l'émission Mi-Science Impossible. Si vous avez raté les deux premières chroniques, on a donc Axel qui nous a parlé d'aquaponie et Laurie de la génodique. Vous pouvez retrouver nos chroniques sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube, et également un podcast sur Radio Fadjet. Et maintenant, c'est à David de nous parler du froid, et j'espère qu'il ne va pas laisser un froid à l'antenne. Alors, tous mes amis vous le diront, je ne suis pas du tout un grand sportif, loin de là. Par contre, ça ne m'empêche pas d'en regarder à la télé des fois. Et puis, vu qu'il y a eu les Jeux Olympiques d'hiver à Beijing, il n'y a pas longtemps, j'ai quand même pu suivre un chouïa. Et puis je suis forcément tombé sur l'information la plus loufoque et la plus drôle. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est celle de l'athlète finlandais qui a fini une course avec l'entrejambe partiellement gelée. Et puis j'ai décidé de rebondir dessus pour faire ma chronique et pour comprendre comment notre corps réagit face au froid. Alors déjà j'ai une petite question pour vous. Le froid, c'est quoi? C'est quand il fait pas chaud. Merci Thomas. Oui. Le froid, c'est quoi? Par rapport au corps humain, c'est une sensation. C'est un sentiment de, je sais pas, quelque chose qui nous pénètre, qui pénètre au plus profond de nos os, quoi. D'accord. Un sentiment bien connu chez le rat d'hiver. La pénétration du froid, bien sûr. Mais je pense qu'on doit avoir des récepteurs sensoriels qui nous disent qu'il fait froid. Oui. Alors, le froid, déjà, c'est tout bête, c'est une mesure de température. Mais ça nous éclaire pas plus. Pour rentrer un peu dans les détails, l'air qui nous entoure, il est constitué de plusieurs atomes. Et de plusieurs molécules. Et plus ces molécules s'agitent, plus la température augmente. Donc en fait, mesurer une température, c'est mesurer l'agitation des molécules. Et s'il fait froid, ça veut dire qu'elles sont très peu agitées. Alors par contre, à 0 degré Celsius, les molécules ne sont pas complètement figées. Elles ne le sont qu'à moins 273,15 degrés Celsius, qui correspond au vrai zéro absolu. En plus, vous le savez sûrement, mais l'homme est homéotherme. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est juste le fait que l'homme a toujours une température à peu près constante, autour de 37 degrés. Et lorsque la température environnante chute un peu trop, notre corps y met tout en œuvre pour nous garder à bonne température. Par exemple, vous connaissez tous la chair de poule. Eh bien, comment ça se fait que quand il fait froid, on ait cette chair de poule ? En fait, comme tu l'as dit, Laurie, on a des capteurs de température sur notre corps. Dès qu'on se caille un peu, les capteurs envoient un message au cerveau qui propose à son tour la chair de poule. Et ce système, il sert à déployer nos poils pour capturer l'air autour de la peau et ainsi former une couche protectrice ou du moins isolante thermiquement. Par contre, je vous avoue, ça sert plus à grand chose. Ça marchait surtout bien à la préhistoire quand nos ancêtres ils étaient bien volu-volu. Là, on n'a pas assez de poils pour en tirer quelque chose. À part peut-être pour faire des œufs. Bref, le cerveau, il peut aussi commander des frissons. Ce phénomène, il fait jouer nos muscles. En fait, quand on veut faire un mouvement, notre cerveau, il envoie une décharge électrique à toutes les fibres musculaires du muscle qui doit entrer en jeu, et celles-ci, elles vont donc se contracter. Quand on a trop froid, il y a certaines de ces fibres qui se contractent et d'autres qui se détendent, ce qui enclenche finalement un tremblement du corps et qui permet de produire pas mal de chaleur. Enfin, si jamais il fait beaucoup trop froid, le corps, il a encore des ressources. Il peut ordonner la vasoconstriction. Eh bien, ça, c'est un mot pour dire que les vaisseaux sanguins vont se réduire. Alors, pourquoi ils se réduisent ? Bah en fait, comme on l'a vu, quand on a les dents qui jouent des casse-noisettes, c'est parce que notre température corporelle est en train de diminuer. Mais si les frissons n'y font rien, alors nos organes vitaux ne vont plus pouvoir fonctionner correctement. Notre corps a donc mis au point un système de sacrifice. C'est-à-dire que l'afflux sanguin aux organes des extrémités, comme les doigts par exemple, va diminuer, car les vaisseaux se resserrent, et le sang qui devait y aller, il va préférer rejoindre les organes qui en ont besoin, et qui sont nécessaires à notre survie. C'est un phénomène qui peut expliquer que quand on a très froid, ces messieurs deviennent embarrassés de leur anatomie, les organes reproducteurs n'étant pas donc considérés comme vitaux. Mais bon, là, Thomas, t'as pas d'excuses, il fait chaud dans la pièce. Hein. Alors, ceci peut bien sûr créer des problèmes, comme les engelures ou les onglets, et si les températures sont froides, mais positives. Et puis, il y a aussi les gelures, si les températures sont négatives, et qui peuvent conduire à une mort des cellules, des doigts par exemple, et ainsi à une amputation. L'homme peut aussi avoir des risques d'hypothermie si les températures sont extrêmement froides. Et puis, si on franchit la barre des moins 29 degrés Celsius, l'eau dans les cellules peut geler complètement, et nos cellules peuvent éclater, car la glace occupe plus de volume que l'eau liquide. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre une bouteille entièrement remplie d'eau liquide au congélateur, car lorsqu'elle gèlera, la glace n'aura plus assez de place et la bouteille éclatera. Maintenant, rassurez-vous pour l'athlète finlandais. Cette température n'était pas atteinte et son Mr Freeze n'a pas éclaté. Un petit coup de bouillotte et c'était reparti. Mais ces conditions de froid extrêmes peuvent nous être très dangereuses. Et c'est là-dessus que je termine ma chronique. Merci David pour cette chronique très rafraîchissante. Et nous allons passer à un moment quand même très apprécié de tout le monde, parce que nous allons faire tous ensemble un petit jeu. Ouais. Ouais. Et donc bon, on reprend le système classique, c'est un au plus proche. C'est-à-dire que je vais vous poser une question et la personne qui est le plus proche de la réponse 350 mètres gagne un point. Non, ce n'est toujours pas un sapin de Noël, Laurie. Je l'attends à chaque fois, ça marchera un jour. Et du coup, j'ai une petite question par rapport à la chronique de David qui vient d'arriver. Oui. Est-ce que vous savez c'est quoi la température la plus basse qu'on a enregistrée en France métropolitaine? France métropolitaine. Je compte pas le fait qu'on a forcément des territoires en Antarctique ou forcément ça pourrait tricher un peu. En plus, j'ai vu passer cette info, mais je me rappelle plus. Moins. Alors oui, ça sera dans les moins, c'est bien. Merci. Déjà, c'est pas mal. Bah, c'est un bon début. Hein. Je sais pas, moi, je dirais un truc genre moins 17, tu vois. Moins 17. Si peu, moi, j'aurais dit plus. Ah ouais. Moi, j'aurais dit moins 28. Moins 28 pour David. Ouais, un truc comme ça. Moi, j'aurais dit moins 30. Moins 30 pour Laurie. C'est énorme, moins 30. Et tu restes sur moins 17 Ah ouais, toujours. Eh ben, la personne la plus proche, c'est Laurie. Oh. Yes. Disons qu'il y a une température qui a été homologuée par Météo France et l'autre qui a été enregistrée, mais pas homologuée. Donc la plus basse homologuée par Météo France, c'est moins 36,7. Moins 36. C'est où ça ? C'est énorme. Alors, c'était dans le Doubs, dans le village de Mout, donc au niveau du très Jura. Très doux même. Hein. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que c'est le même jour qu'on a enregistré donc, la valeur homologuée, donc moins 36,7, et dans la nuit, on est redescendu à moins 41. Par contre, ça remonte à 1985, depuis on n'a pas réussi à descendre aussi bas. Donc ouais. Un point pour Laurie. C'est vrai qu'en France, il fait pas hyper froid normalement. Deuxième question. Quoi ? Vous avez fait, il y a une petite chronique d'Axel qui parlait aussi bien d'eau et de plantes. Ouais, ouais, ouais. Donc là, je vais vous parler plutôt de fonds marins, donc aucun rapport. Bah, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a un peu d'eau. Ouais, il y a de l'eau. C'est un peu demandé des plantes. Au dernier chiffre, donc qui date d'il y a 2-3 jours, est-ce que vous savez combien il y a d'épaves de bateaux qui se trouvent au fond des océans ? D'épaves ? De bateaux, oui. Mais les océans, c'est tellement énorme. Comment tu peux comprendre combien il y a d'épaves ? Puis encore, il y a celles qu'on a trouvées, celles qu'on n'a pas trouvées. Ouais. Bah, c'est pour ça. En fait, on sait à peu près combien de bateaux a coulé avec depuis le début de l'histoire. Je sais pas, il y en a un. 300, même plus que ça. Ouais, plus que ça. Combien t'as dit 300 à l'époque de la grande piraterie. Je sais pas, moi je dirais un truc genre 12 000, tu vois. 12 000 un peu moins quand même. Moi, c'est énorme, mais depuis ça fait des oui, mais des 12 000 pour Axel. Les radeaux ne comptent pas. Les radeaux ne comptent pas. Tu comptes à partir de quelle époque, parce que pour être précis. Alors, mais ça va arriver, ça ne sert rien, Laurie. Mais même les Égyptiens et tout, ils devaient se déplacer en. Ah oui, c'est après, les Égyptiens, sur le Nil, ils passaient plus au niveau du Nil, donc au niveau océan, moins. Ah oui, les océans. Oui, après, ouais, océan, même. Mer, tout est pris en compte. Franchement, je reste à 12 000. Je pense au niveau des fleuves, il n'y en a pas énormément. Moi, je vais dire... Moi, je vais dire 800. Oui, je vais dire... 800 pour David. Oui. Je vais dire 3 000. 3 000 pour Laurie. Et combien, tu m'as dit, Axel ? 12 000. 12 000. C'est Axel qui est le plus proche. Ah, 12 000, voilà. C'est énorme. Alors, il faut savoir qu'actuellement, on est sûr de toutes les épaves qui a coulé. Il y en a 10%, on sait précisément où elles sont. C'est tout ? Oui. Il y en a combien ? Donc il y a que 10%, on sait où elles sont. Il y a pas qu'il y a de trésors à trouver. Il y en a que 10% qu'on a visité. Donc il y a qu'un pour cent des bateaux qui ont coulé depuis le début de l'histoire qu'on a visité. Après, il y en a qui sont très profonds aussi. Hein. Ouais. Il y en a entre 2 à 3 millions d'épaves. Quoi ? Millions. Après, mais tu te rends compte, là, quand même, les océans, c'est une super grande superficie par rapport à... Oui, non, mais... Ouais, mais tu vois, moi, l'autre jour, j'ai pris un bain, mon petit bateau, il a coulé. ça compte. On est 7 milliards sur Terre, ça me choque pas. Avant de passer à la prochaine question, nous allons finir avec une petite pause musicale. Et nous allons écouter Viva la Vida de Coldplay. Missionaries in a foreign field. For some reason I et vous êtes de retour sur Radio Fadjet dans l'émission Mi-Science Impossible. Juste avant la coupure pause, on avait eu la troisième chronique, celle de David, sur les effets du froid. Et si vous n'avez pas pu l'écouter, ou si vous voulez écouter les autres chroniques qu'on a eues, vous pouvez les écouter en podcast sur le site de Radio Fadjet ou également sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Et nous sommes toujours dans notre petit jeu. Pour l'instant, il y a un point pour Laurie, un point pour Axel, toujours zéro pour David, qui n'est pas très bon aujourd'hui visiblement, mais qui va peut-être se rattraper avec la dernière question. Et là, nous allons parler du soleil. Vas-y. Est-ce que vous saviez déjà que le soleil change de taille ? Oui. Moi, je ne savais pas, mais ça ne me choque pas. On fait genre qu'on le sait, en fait. Oui, on le savait. Voilà. Eh bien, le soleil, il diminue de taille chaque heure. Mais à quel rythme il diminue de taille ? Comment ça ? Tu veux une vitesse ? À quelle vitesse, oui, il diminue de taille ? Déjà, il fait quelle taille, le soleil ? On est sur plusieurs millions de kilomètres. Combien ? Plusieurs millions de kilomètres. Ça ne m'aide pas beaucoup. Tu veux le chiffre exact ? S'il te plaît. Très bien. Commence à réfléchir, je te Tu vas faire un calcul ? Oui. Est-ce que tu sais au moins dans combien de temps le soleil va disparaître ? Dans 4 milliards d'années ? Oui, 4 milliards, ouais. Donc tu vas faire un rapide... 4 milliards d'années. On a fait il a quel âge le soleil déjà ? Il fait précisément le soleil 696 340 km. Bon, de pas... rayon. Ah oui. Ah, de rayon. 693 000. Ok. Tu peux arrondir à 700 000 km. Donc ça fait 1 million 2. 1 million 2 de kilomètres. Sachant qu'il va s'éteindre dans 4 milliards d'années. Ça doit pas être beaucoup de. On sait qu'il va s'éteindre dans 4 milliards d'années. Est-ce qu'il sera. Est-ce qu'il s'éteindra parce qu'il aura perdu sa taille ? Pour d'autres raisons, on sait pas. Non, mais il aura réduit déjà pas mal. Je pense qu'il aura bien réduit de 60%. Pas... Il va pas finir comme un petit poids. Il s'évapore. Fini. Oui, je sais pas. Qu'il me faut une vitesse. Une vitesse, déjà ça va pas être. Moi je pense grand. Que c'est en tout petit, genre en millimètre. Parce que c'est en heure que tu nous demandes. Ouais, en temps, c'est une unité par heure. Oh bah. Ça doit être tout petit, un micromètre par heure. Un nanomètre. Par heure. Moi je vais dire. 150 km par heure. 150 km par heure, ok. Ouais. Moi je vais dire 50. 50 quoi ? Kilomètres. 50 km par heure. Merci de préciser. Bah, je te laissais le choix de l'unité pour me faire gagner mon point. Très bien, ça sera 50 nanomètres par heure. Moi je vais aller en mètres. Genre. 500. 500 mètres, oui. 50 km, 150 km. Bon, ben David, déjà, tu n'auras pas de points. Oh ! Bah, t'es pile au milieu entre Zut. Les deux. Bah oui, mais donc, il triche. Qui va gagner ? Mais il peut gagner en étant au milieu. Hein. Laurie. Bah, c'est et Axel. C'est forcément Axel. C'est jamais moi. C'est Laurie qui gagne. Putain. Parce que précisément, le seuil réduit de 1 mètre par heure. Précisément 1,02 mètre. C'est tout ? Bah c'est tout, c'est déjà pas mal quand voilà, même. Voilà, je suis nul pour faire les questions, mais pour répondre aux questions, je suis forte. Je sais pas sur si nul pour répondre à tes propres questions. Voilà. J'avoue. Et c'est donc la fin de ce jeu. C'est honteux. On a donc une victoire. Pour une fois, on a une victoire de Laurie. Attends, et s'il te plaît. Faut la laisser profiter, parce qu'on sait très bien qu'elle perdra la prochaine fois. Tu m'enverras tes sources, s'il te plaît. Je t'enverrai tes sources. J'enverrai les sources. Tu verras. Un mètre contrairement à Laurie, elles sont fiables, les miennes. Oui, j'ai pas d'argument. Qu'est-ce que tu veux ? Et je vous souhaite du coup une bonne fin de journée. C'est la fin de cette 11e émission de Mi-Science Impossible. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut. À bientôt. Bon goûter.